Messieurs, dit Vautrin, Madame la Présidente nous rappelle à l'ordre. Madame Couture et Mademoiselle Victorine ne se formaliseront pas de vos discours badins, mais respectez l'innocence du père Goriot. Je vous propose une petite bouteillorama du vin de Bordeaux, que le nom de Lafitte rend doublement illustre, soit dit, sans allusion politique. Allons, Chinois, dit-il en regardant Christophe qui ne bougea pas. Ici, Christophe. Comment, tu n'entends pas ton nom? Chinois, amène les liquides. Voilà, monsieur, dit Christophe en lui présentant la bouteille. Après avoir rempli le verre de gêne et celui du père Goriot, il s'en versa lentement quelques gouttes qu'il dégusta, pendant que ses deux voisins buvaient. Et tout à coup, il fit la grimace. Diable, diable, il sent le bouchon. Prends cela pour toi, Christophe, et va nous en chercher. À droite, tu sais. Nous sommes 16. Descends 8 bouteilles. Puisque vous vous fendez, dit le peintre. Je paie 100 de marron. Oh oh! Brouh! Prrr! Chacun poussa des exclamations qui partirent comme les fusées d'une girandole. Allons, maman Vauquet, 2 de champagne, lui cria Vautrin. Tiens, c'est cela. Pourquoi pas demander la maison? 2 de champagne? Mais ça coûte 12 francs. Je ne les gagne pas, non. Mais si monsieur Eugène veut les payer, j'offre du cassis. V'là son cassis qui purge comme de la manne, dit l'étudiant en médecine à voix basse. Veux-tu te taire, Bianchon? S'écria Rastignac. Je ne peux pas entendre parler de manne sans que le cœur. Oui, va pour le vin de champagne. Je le paye, ajouta l'étudiant. Sylvie, dit madame Vauquet, donnez les biscuits et les petits gâteaux. Vos petits gâteaux sont trop grands, dit Vautrin. Ils ont de la barbe. Mais, quant aux biscuits, à bouler.